Section 107 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johan. La lecture, tome 6e. Section 107. Noël aux champs, par G. de Cherville. La foi a beau s'attiédir, la popularité de la messe de minuit ne diminue point. Les fins d'année sont joyeuses aux champs comme à la ville. Si humblement que s'élève la cheminée au-dessus du toit rongé de mousse, le bonhomme à la barbe poudrée de frimas ne dédaigne jamais d'y descendre pour visiter les sabots que ses petits clients ont soigneusement alignés devant l'âtre. Peut-être a-t-on quelque peu abusé des contes de Noël, mais ce ne sera pas en grossir le répertoire que de vous dire une historiette dont cette solennité fut le point de départ et qui n'a d'autre mérite que d'être vraie. Elle démontre d'ailleurs, ce qui n'est pas inutile, que les légendes les plus parfumées de poésie sont quelquefois dangereuses quand c'est à des imaginations simples et crédules qu'elles s'adressent. Une de ces légendes très répandues dans l'Ouest comme dans le Nord raconte que dans la nuit de Noël, si l'on ouvre la porte de l'étable au moment où l'horloge du clocher sonne les 12 coups de minuit, on voit la crèche rayonnante de clarté et les bestiaux agenouillés, saluant, dans cette attitude, l'heure où Jésus fit son entrée dans ce monde. Cependant, assez retorse dans son apparente naïveté, la dite légende a pris soin de prévenir les amateurs que celui qui cède à la tentation de jouir de ce spectacle meurt toujours dans l'année, et l'auteur appréciait si exactement la faiblesse d'esprit de ceux auxquels il s'adressait qu'à l'heure où nous sommes, en plein 19e siècle, il est encore beaucoup de paysans qui, pour un gros sac d'argent, ne se soumettraient pas à l'expérience. Une femme la risqua. C'était celle d'un forestier nommé Gernet, qui habitait une maison isolée d'une commune de l'Ardenne belge. De bonnes et honnêtes créatures, lui laborieux, probe jusqu'au scrupule, elle, douce, aimante, par conséquent heureuse de son sort, ils avaient un unique enfant, un petit garçon, qui avait alors 5 ans. Aux approches de Noël, on avait tué un cochon dans le modeste ménage et réservé le boudin, la friandise des Ardennais, pour la fête. Il était tombé beaucoup de neige pendant la journée, et comme la distance de la maisonnette à l'église était grande, Gernet partit seul pour la messe de minuit, en compagnie de son frère qui devait souper avec eux. La femme et le petit garçon, que les attrayantes perspectives du boudin avaient tenus éveillés, les regardèrent s'éloigner du seuil de la porte. Les deux ombres venaient de s'effacer dans le miroitement du blanc tapis, lorsque la cloche du village, jetant dans ce grand silence son premier tintement, et là Gernet tressaillit. Il y avait des années que la curiosité de la pauvre fidèle luttait contre les redoutables éventualités qu'il fallait encourir pour la satisfaire. Bien souvent, en pareilles circonstances, elle avait soupiré en jetant un regard furtif sur la porte derrière laquelle se renouvelait la scène dont les tables de Bethléem avaient été le théâtre il y a 1800 ans. Cette fois, probablement fortifiée par la joyeuse soirée qu'elle se promettait, elle y céda. Elle franchit les 3 pas qui la séparaient du loquet tentateur. Les reins vibraient encore qu'elle l'avait fait jouer et que, toute palpitante, elle jetait un regard anxieux dans l'intérieur, tandis que le petit garçon, déjà au courant de la tradition et plein d'effroi, enfouissait son visage dans les jupes de sa mère. Au lieu du merveilleux spectacle qu'elle attendait, celle-ci n'avait vu que ténèbres. Au faible rayonnement de la neige, les silhouettes des 2 vaches se dessinaient à peine sur l'ombre. Toutes 2 ruminaient paisiblement. Mais l'un de ces animaux s'étant mis à mugir, les terreurs de la Gernet se réveillèrent subitement. Prise d'épouvante, elle s'enfuit en serrant contre elle son enfant. Lorsque son mari et son beau-frère furent rentrés et que la famille fut à table, elle leur raconta ce qui s'était passé. Le beau-frère fronça les sourcils. Le mari ne lui adressa pas un reproche, mais il resta rêveur, et cette désapprobation muette fit courir un frisson sur le corps de la pauvre femme. Cette impression était depuis longtemps oubliée lorsqu'un soir du mois de mai suivant, on rapporta le corps inanimé du petit garçon à la chaumière. Le malheureux enfant avait glissé d'un rocher où il s'était hasardé pour cueillir des fraises. Tombé d'une hauteur d'une 20aine de mètres, il s'était tué sur le coup. Un désespoir de mère, on ne l'oublie jamais quand on en a été témoin. mais cette suprême expression de la douleur humaine, il faut renoncer à la décrire. Celui-là fut non seulement violent, mais tenace. Des semaines s'écoulèrent, la Gernet non seulement ne cessait pas de pleurer, mais elle avait des crises dans lesquelles elle se roulait à terre, s'arrachant les cheveux, appelant son enfant avec des cris déchirants, s'accusant d'avoir été la cause de sa mort par sa curiosité sacrilège. Effrayé, le pauvre garde fit venir un médecin de Spa. Celui-ci essaya de calmer cette imagination délirante. Après avoir inutilement essayé de lui faire comprendre l'absurdité, la puérilité de la légende, il lui représenta combien il était odieux de supposer qu'un Dieu juste pût punir, sur un innocent, une faute dont il n'aurait pas même eu le sentiment. Rien n'y fit. Seulement, affectée par le chagrin qu'elle causait à son mari, elle concentra en elle-même ce qu'il faut bien appeler ses remords, rumina sa douleur, cacha ses pleurs. Sa santé ne s'en trouva pas mieux. Elle alla, s'affaiblissant de plus en plus, dévorée par la consomption, elle dut s'aliter. Elle avait caché sous son oreiller un petit paquet composé des derniers vêtements de l'enfant mort. Lorsqu'elle était seule, elle prenait ses pauvres reliques pour les couvrir d'autant de larmes que de baisers, toujours en proie au même transport désespéré. Cette lente agonie se prolongea jusqu'au 25 décembre. Après une journée très agitée, la malheureuse femme fut prise vers le soir d'un violent accès de fièvre. Dans l'égarement de son cerveau, elle croyait ouvrir la porte de l'étable. Elle la retrouvait non pas telle que la réalité la lui avait montrée, mais éblouissante de lumière, et de ses mains croisées, elle essayait de dérober cette illusion imaginaire au petit paquet de vêtements qu'elle serrait sur sa poitrine, avec ses doigts crispés, et dans lequel, certainement, elle croyait avoir retrouvé son enfant. Comme minuit sonnait, elle rendit l'âme. Évidemment, après ce funèbre dénouement, conséquence de la combinaison d'un hasard avec une imagination fortement frappée, on eût été malvenu à assurer aux paysans du village ardennais que l'on peut aussi impunément regarder dans l'étable, dans la nuit de Noël, que les jours suivants. Fin de la section 107.